si tu veux que j'aille. Pas de feedback, no feedback, sans feedback, pas de feedback. Ou si tu veux que j'aille. Pas de feedback, no feedback, sans feedback, ou si tu veux que j'aille. Pas de feedback, no feedback, sans feedback, ou si tu veux que j'aille. Feedback, no feedback, sans feedback, but